Je t'ai rencontré par hasard, un samedi ou un dimanche soir. C'était pareil et différent, mais je me sentais plus comme avant. Tout mon corps était électrique, comme un orchestre de musique où la guitare joue un peu fort sur des faux airs de Matador. Harmonie, où es-tu? Harmonie, ne me quitte plus. Je t'ai suivi jusqu'en Afrique, via l'Angleterre et la Belgique. J'ai bu des rivières de diamants, j'ai chevauché des éléphants. J'ai appris à manger du riz, à ne pas dormir dans un lit, à construire avec des cailloux, des abris protégés des loups. Harmonie, où es-tu? Harmonie, ne me quitte plus. Je t'ai invité sous mon toit, je t'ai préparé des petits plats. J'ai arrêté ma thérapie, j'ai choisi la sophrologie. Puis j'ai dansé le casa-choc sur un air de musique baroque. Laissé tomber mes escarpins pour le confort des mocassins. Harmonie, où es-tu? Harmonie, ne me quitte plus. Et puis un jour, t'étais plus là. Je me suis retrouvée dans de beaux draps. Je t'ai cherché un peu partout, mais t'avais d'autres rendez-vous. Depuis, ma vie, c'est les canards, cacophonies et gyrophares. En désaccord perpétuel, je me ripolline au rimmel. J'ai tout tenté pour te séduire, j'ai lu Trotsky, j'ai lu Shakespeare, abandonné le monologue pour cultiver l'art du dialogue. Je t'ai tricoté des écharpes, je t'ai lu Le Monde selon Garp, je me suis laissé pousser les cheveux sans avoir peur d'avoir l'air vieux. Harmonie, où es-tu? Harmonie, ne me quitte plus. Ne me quitte plus.